llama TCA, o en español, Oye Mamita Linda. Tifia diabla, tifia, oh, tifia diabla. Si muente con el papal y axisa, si muente con el papal y axisa. Van el fin fin de yeli guogo, van el fin fin de yeli guogo. Son el angelizo, si muente con el papal y axisa. Son el angelizo, si muente con el papal y axisa. Luego la muchacha contesta. Ti garçon, oh, ti garçon diabla. Ti garçon, oh, ti garçon diabla. Ces étoiles filées, qui les mêmes bon diffèrent. Ces étoiles filées, qui les mêmes bon diffèrent. Van fin fin de yéli bobo. Van fin fin de yéli bobo. Nous galin comprendre. Femme c'est la maillotte belle bible au salon. Nous galé comprendre. Femme c'est la maillotte belle bible au salon. Ti garçon, oh, ti garçon diabla. Ti garçon, oh, ti garçon diabla. Loufija au bigouan ou capable picle. Loufija au bigouan ou capable picle. Femme difficile, ou weapon soufou. Femme difficile, ou weapon soufou. L'empayi vaiano, femme se garaban gade salakembe. L'empayi vaiano, femme se garaban gade salakembe. Ti garçon, oh, prends côté tout ti garçon. Ti garçon, oh. Côté tout petit garçon, petit garçon, oh, prends côté tout petit garçon.